Qu'est-ce que tu fais, Julie? Je consulte ma boîte mail. Oh, l'enquête du jour! Aujourd'hui, le thème, c'est... Viens voir! Ah, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Pourquoi ce titre? Tu sais, c'est le titre d'un livre. Tu connais pas? Il y a une pièce de théâtre en ce moment, inspirée du livre. Allez, on fait l'enquête! Oh, d'accord. Tu commences. Ben, les hommes sont romantiques, optimistes... ouais, mais menteurs! Quoi? Mais ça va pas, non? Et les femmes? Elles sont responsables, patientes, oh oui, organisées, sérieuses? Ouais, c'est ça. Parfaites, quoi.